Bob a 25 ans derrière lui. Et tu vois, naturellement, il a évolué. Voilà quoi. Écoute les propos du rappeur des temps modernes. Qu'est-ce que je donnerais pas pour être écouté aux grandes heures? C'est mon ultime kiff, mon seul but, ma seule foi. Que ma voix résonne, que mon flot détende dans ce froid. Que les billets tombent du ciel, qu'ils effacent ma franche peur. Passer sur 96 FM, par ici tout le monde en rêve. Je me détache du lot ici, c'est moi qui tiens les rênes. Ouvre-moi les portes du paradis, Dieu des ondes fermes. Apporte-moi du pouvoir et des filles que ma descente enchaîne. Dès que j'aurai fini de sucer, de sniff, et peut-être que je suerai. Je ferai peut-être des textes quand je serai en doseille. Je m'en bats les couilles, je fais du fric comme un furet. Furet aux problèmes originaires et réfugié jusqu'aux orteils. Rien à me reprocher, je fais de la merde et mon son tourne dans ta tire. Et c'est toi qui viens payer, y'a pas à dire. L'audition ça aide, tu t'aides et tombes les pépettes. C'est pas la rue qui tient le rap, mais Sky je le dis et le répète. Ouais tu vois quoi, c'est ma conception du hip-hop. Tu vois, rentrer un max de thunes, passer sur des radios de merde. Et voilà quoi, garder toujours un côté militant. Ouais, y'a des gens qui meurent de soif dans le monde, putain. Ça c'est le fond de leur pensée, mais concrètement tu vois, c'est de l'ego trip. Loin d'être profond, mais pourtant bien creux. Bon truc. Yo, bientôt la révolution du son. Note sur ton agenda. Qui t'a dit que c'était une chanson? C'est un attentat. Chacun représente chez soi. À la Welcome to Atlanta. Les MC au départ, on joue les barbares comme un Santa. T'as voulu jouer les vandales, mais tu vas crier au scandale. À l'écoute de mon blast, tu flips, je te fais sprinter en sandales. Je renouvelle mon mandat, mais j'ai pas besoin de ton vote. Préviens tes amis qu'il leur faudra prendre soin de leurs potes. Pendant qu'on son se baladera dans les rues que mon paragraphe paradra. Tu seras momifié dans du sparadrap, c'est pas un drame. C'est juste qu'une tragédie te matraque. Eh oh, dis bye bye. Y'a des stratégies d'attaque, on fond pas mon hip-hop. Avec ton R&B, si je fonce tes sourcils, c'est que t'as l'air ennemi. J'agrippe le mic, t'as tous mes Nike sur ta face, pareil pour fight. Warrior, warrior sur un bike. Donne-moi des bitches, donne-moi des pillages, donne-moi des billets, des pillages. J'suis numéro 9 dans ma team. Ouais, ouais. Ensuite, y'a leur pigeon. Leurs fans quoi, leur public attitré, leur porte-monnaie quoi. Et peu importe le style de musique, tu vois, bah ça donne ça. Je déprime toute la semaine, ici aucune femme saine. Ici personne ne saigne et personne ne s'aime. Un taf des plus ennuyeux, pas de copine fixe à l'horizon. J'attends les fraîches saisons, fin de semaine c'est l'occasion. Je paie ma barquette de bonheur, il est minuit passé. Je salue le physio, un grand black loin d'être fragile. Laisse mes problèmes au seuil, à défaut de les effacer. Dépasse le rideau, le noir prend vie et finit l'argile. L'arôme de la sueur, pavane sur les pics de danse. Les QC en sortant, tous sont partants sur les hits. Les meufs sur les beats avant qu'elle ne pense. Les conneries d'un soir un peu trop envoûtant. Alcool à yo-yo et techno à la sono. Déconnexion des neurones dans cet univers d'exhibition. 6h du mat, les loups et les chiennes rentrent chez eux. Retour au quotidien mais vivement samedi prochain. Wouh, super la soirée qu'on a passée. Le DJ comment l'a géré. Wouh. Et les meufs trop bonnes dans le noir. Et enfin, il y a la façon de penser, qui est la nôtre. Tout se respecte, chacun son approche du hip-hop et de la musique en général. Bon voilà quoi, écoute notre point de vue sur les questions. Attends, je crois qu'il y a confusion, mec, c'est de bouger sur ce titre, on dirait un doc sans pleine convulsion. Si je fais ce son, c'est pas pour faire danser les jeunes, c'est dans mes gènes. C'est du son cancérigène, évite de danser, ça camouflera ton manque d'hygiène. Le son chromé n'est pas fait pour les chiens et les chiennes. Y'a malentendu, je suis pas là pour que t'aies les auréoles. Mais si tu veux zouk, demande au DJ, la compagnie créole. J'ai ni un squatter de boîte, ni un ambianceur. Quand tu crois vivre le bonheur le samedi soir, je suis un pionceur. Cherche de céder si tu veux bouger tes fesses à la Beyoncé. Cherche pas à m'influencer, à rendre mon discours plus nuancé. Y'a pas plus ironique, j'utilise les armes de l'adversaire. Les rappeurs, animateurs de pique-nique ou d'anniversaire. Si tu te sens visé, c'est que t'es sûrement ma cible. Au lieu de danser, t'aurais dû rester impassible.